Chapitre 104. Une surprise après l'arrivée à Dunkerque, les quatre caisses, utilité des assurances. En s'entendant les uns avec les autres et en se cotisant, on parvient de notre temps à réparer des malheurs qui étaient autrefois irréparables. Le paquebot arriva rapidement à Dunkerque. Ce port le plus fréquenté du département du Nord tire son nom des dunes de sable près desquelles la ville est bâtie. C'est avec Boulogne et Calais un centre important pour la pêche des harengs et des sardines. Franz désirait se rendre plus vite en Alsace-Lorraine, avec ses neveux, sans rien dépenser. Il songea à se procurer de l'occupation sur un des bateaux qui font le service des canaux du Nord, et qui, regagnant le canal de la Marne au Rhin, passe tout près de Phalsbourg. On parcourut la ville animée de Dunkerque. On passa devant la statue de Jean Bart que David a sculptée, et Julien admira l'air résolu du célèbre marin. L'oncle Franz ne trouva pas du premier coup ce qu'il désirait. Ce fut seulement après 2 jours de recherche, bien des peines et bien des tracas, qu'il obtint de l'ouvrage à bord d'un bateau. Encore ne lui promit-on d'autre salaire que leur nourriture à tous les trois. Nos amis s'en revenaient donc la tête basse, le front soucieux, songeant qu'il allait falloir entamer leur petite réserve d'argent pour s'acheter des vêtements de rechange. Et ils étaient si tristes qu'ils marchaient sans rien se dire, préoccupés de leurs réflexions. « Eh bien, s'écria Guillaume qui les attendait sur le seuil de la porte, arrivez donc, il y a du nouveau qui vous attend. » Julien, en voyant la figure radieuse du brave pilote, devina vite que les nouvelles étaient bonnes. Il s'élança à sa suite de toutes ses petites jambes, et on monta 4 à 4 l'escalier de la mansarde qu'on avait loué en arrivant. Quand la porte fut ouverte, Julien demeura bien surpris. Il aperçut au beau milieu de la mansarde 4 caisses de voyage, portant chacune le nom de l'un de nos 4 voyageurs. Julien, naturellement, s'empressa d'ouvrir celle qui portait son nom, et il fit un saut d'admiration en voyant dans le tiroir de la caisse de bonnes chemises à sa taille, des bas, des souliers neufs, un chapeau en toile cirée et une paire de pantalons en bon drap. « Mais père Guillaume, dit l'enfant en déployant toutes ses richesses, est-ce que c'est possible que ce soit pour moi tout cela ? D'où vient cette belle caisse ? Et André, qui en a autant, et mon oncle aussi, et vous aussi, qu'est-ce que cela veut dire ? » ?»« Petit Julien, répondit le père Guillaume, ravi de la bonne surprise, qui épanouissait tous les visages, c'est le cadeau d'adieu de notre capitaine. Il a fait dresser, avec moi, comme la loi l'y obligeait, le procès-verbal du naufrage du navire. Le Poitou était assuré, avec toute sa cargaison, et le capitaine ne perdra rien. Il a trouvé juste que nous ne perdions rien, nous aussi, et il nous envoie ses vêtements en échange de ceux qui ont coulé avec le navire. En même temps, il a ajouté le paiement promis à chacun de nous pour la traversée. Volden, voici tes 50 francs. André, en voici 30, et toi, Julien, voici un carton d'écolier tout neuf pour te récompenser d'avoir été courageux en mer, comme un petit homme. Julien ne se possédait pas d'aise. Cette caisse, à son adresse, c'était le premier meuble qu'il eût possédé. « Mon oncle, disait-il en sautant de plaisir, voyez donc, nous avons maintenant un mobilier. C'est comme si nous possédions chacun une armoire. » Tout d'un coup, il s'interrompit pour pousser une nouvelle exclamation de surprise. « Ah, mon Dieu, dit-il, jusqu'à mon joli parapluie que M. Gertal m'avait donné, et que j'avais tant de regrets d'avoir perdu. Eh bien, le capitaine en a mis un au fond de la caisse, et il est tout pareil, regarde André. » « Je m'imagine, dit l'oncle Franz en tendant la main avec émotion à Guillaume, qu'il y a ici quelqu'un qui a sans doute aidé la mémoire du capitaine. « Mon vieil ami, dit Guillaume, j'étais chargé de faire l'inventaire complet. J'ai tâché de ne rien oublier. » Ce soir-là, nos 4 amis dînèrent bien contents. Après dîner, on alla remercier le capitaine. Et chemin faisant, Julien ne put s'empêcher de dire qu'il trouvait que les assurances sont une bien bonne chose. « Oui, certes, petit Julien, répondit Guillaume. » En donnant aux compagnies d'assurance une faible somme, chaque année, on se trouve protégé autant que faire se peut, contre les malheurs de toutes sortes. Je me suis déjà dit qu'en arrivant chez moi, la première chose que je vais faire, ce sera d'assurer contre l'incendie le petit bien dont nous avons hérité, et d'assurer contre la grêle mes récoltes de chaque année. » Et le vieux pilote ajouta sentencieusement, « L'homme sage n'attend point que le malheur ait frappé à sa porte pour lui chercher un remède. » Les dunes de Dunkerque, on appelle dunes des collines de sable qui se sont formées sur les bords de l'océan ou de la Manche. Elles sont stériles et souvent habitées par des renards. On arrête les dunes dans le nord en y plantant une sorte de jonc marin, et dans les landes en y plantant des pins maritimes. Les plantations ou semis faits sur les dunes sont exemptés d'impôts pendant 30 ans. La pêche au hareng. Le hareng est un joli poisson vert, glauque sur le dos et blanc sur le ventre. Chaque année, au mois de mars, les harengs descendent des mers du Nord, par bancs immenses, et voyagent le long de nos côtes. C'est alors que les pêcheurs vont jeter dans l'eau leurs grands filets qu'ils retirent chargés de harengs. Cette pêche est aussi importante que celle de la morue. Jean Bar, né à Dunkerque en 1651, mourut en 1702. Fils d'un simple pêcheur, il devint l'un de nos plus illustres marins. Un capitaine anglais l'invita un jour à dîner. Il se rendit sans défiance sur son navire, mais c'était une trahison. À la fin du dîner, les matelots anglais se jetèrent sur Jean Bar pour le faire prisonnier. Celui-ci, avec un sang-froid admirable, se dégageant brusquement, courut vers un tonneau de poudre, en approcha une mèche allumée qu'il avait saisie et cria aux Anglais d'une voix tonnante « Si vous faites un pas vers moi, je fais sauter le navire et nous avec !» Les Anglais interdisent ces cartes. Les marins de Jean Bar ont le temps d'arriver, s'emparent du navire, et Jean Bar, triomphant, ramène à Dunkerque les Anglais prisonniers sur leur propre vaisseau.